Retournons à notre cher para. Si vous voulez indiquer à quoi sert un objet ou ce à quoi il est destiné, vous pouvez utiliser aussi para. Par exemple, si vêtement se dit ropa, R-O-P-A, notez que ce mot ne porte jamais de S en espagnol. Et enfant, niños, N-I-N avec tilde au S, comment traduiriez-vous en vous adressant à une vendeuse? Vous vendez des vêtements pour enfants? Vende ropa para niños. Vende ropa para niños. Faites attention à ne pas mettre de S en espagnol à ropa. Comme vous savez déjà, quand on fait référence à un but, on utilise para. Donc, si ingénieur se dit ingeniero, I-N-G-E-N-I-E-R-O, comment direz-vous j'étudie pour être ingénieur? Estudio para ser ingeniero. Estudio para ser ingeniero. On dit aussi estudio para ingeniero. Le verbe ser passe souvent à la trappe dans ces genres de phrases. En gardant cette structure en tête, c'est-à-dire sans ser, et si médecin se dit médico, hein, avec un i, médico, m et accent aigu d-i-c-o, traduisez-moi j'étudie pour être médecin. C'est ça. Estudio para médico. En prenant compte que l'on dit médico avec un i, comment dit-on médecine d'après vous? Medicina. Medicina. Nous l'avons déjà vu dans la première partie de cette méthode. Donc, on a bien médico et medicina avec un i pour médecin et médecine. Comment diriez-vous maintenant? Pour être médecin, il faut étudier beaucoup. Para ser médico, hay que estudiar mucho. Para ser médico, hay que estudiar mucho. Vous êtes-vous souvenu de hay que pour il faut? Notez aussi que l'on dit médico, vu que ce mot porte un accent sur le E. On utilise aussi para dans le sens de si l'on considère. Par exemple, pour une enfant de 8 ans, elle est très mûre. Para una niña de 8 años, es muy madura. Donc, si grand se dit alto, A-L-T-O, comment diriez-vous pour un enfant de 8 ans, il est très grand? Para un niño de 8 años, es muy alto. Para un niño de 8 años, es muy alto.